Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Galliot raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager. Une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Pour notre dernier épisode des contes autochtones, nous partons au Canada, avec la légende, les chants et les fêtes, extrait du livre « L'arbre à soleil » d'Henri Gougaud. Cette histoire est racontée et adaptée par Marc Galliot. C'était un homme qui vivait avec sa femme et ses trois fils. Vivait-il sur la côte pacifique ou sur la côte atlantique du Grand Nord, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cet homme était un chasseur qui connaissait tous les animaux de sa terre. Il savait fabriquer des pièges pour attraper les animaux selon les espèces. Quand il partait en mer dans son kayak, il savait aussi fabriquer des nasses ou des harpons pour attraper les animaux marins selon leur taille. Tout ce qu'il savait, il l'apprenait à ses fils. Quand l'aîné a été en âge de pouvoir partir seul, alors il a quitté le foyer familial dans la grande toundra froide. Jamais il n'est revenu. Quand le deuxième fils a voulu partir quelques années après, lui aussi, il s'est enfoncé dans les grandes plaines glacées du nord canadien. Jamais il n'est revenu. Quand le troisième fils a voulu lui-même partir, alors ses parents lui ont rappelé qu'ils ont déjà perdu deux fils et qu'ils ne voulaient pas le perdre lui. Mais nous ne faisons pas les enfants pour nous. Alors les parents l'ont béni trois fois. Et à ces trois bénédictions, le fils a promis de revenir. Le voici maintenant parti par un matin de brouillard sur une piste. Quand le brouillard s'est levé, il a vu dans le ciel un grand aigle noir. Alors il a pris son arc, sa flèche, il a pincé la corde et avant même qu'il ait eu le temps de tirer, l'oiseau s'est posé à côté de lui. Il a déployé ses ailes et là est apparu un homme grand, fort, vigoureux, et qui lui annonçait brutalement « C'est moi qui ai tué tes frères, parce qu'ils ne voulaient pas apprendre les chants et les fêtes. » Alors le jeune homme lui dit « Mais les chants, les fêtes, c'est quoi ? Veux-tu me suivre, oui ou non ?» dit l'homme aigle. « Oui, » dit le garçon. « Et voici que le garçon suit l'homme aigle. » Ils traversent les vallées, les plaines, les montagnes rocheuses et ils arrivent jusqu'à une grande paroi rocheuse. Alors ils grimpent la paroi rocheuse et arrivés en haut, ils arrivent à un plateau forestier. Boum boum, boum boum, boum boum, boum boum. L'homme aigle dit « Les bruits lents et sourds que tu entends sont les battements du cœur de ma mère. » Boum boum, boum boum, boum boum. Ils traversent la forêt et au loin, ils aperçoivent une petite maison en pierre. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les bruits lents et sourds ralentissent jusqu'à disparaître. L'homme aigle ouvre la porte de la petite maison de pierre. Et là, il y avait une femme, toute recroquevillée sur elle-même, toute chenue, les cheveux blancs, et à la voix nasillarde, elle dit « Mon fils, bonjour. » Alors l'homme aigle dit « Mère, voici, » en montrant le jeune homme. Alors la vieille femme regarde le jeune homme et lui dit « Je me morfonds, car je ne peux transmettre. Je vais t'apprendre les chants et les fêtes. Mais avant tout, tu dois construire une grande et belle maison en pierre, plus magnifique que celle-ci. » Une fois que la maison en pierre a été faite, alors le jeune homme va avec la vieille femme dans le massif forestier. La femme lui apprend à couper les arbres, à les creuser, à choisir l'animal, à prendre sa peau, à la tendre sur le fût creux pour en faire des tambours. Et puis, elle lui apprend aussi à choisir les mots, à les mettre ensemble, à composer des chansons, à chanter, à trouver sa voix et à danser. Au fur et à mesure de son apprentissage, le dos de la vieille se redresse. Ses cheveux blancs deviennent une grande et belle chevelure noire. Et elle reprend les rondeurs d'une belle et jeune femme. À la fin de son apprentissage, le jeune homme est tout de suite attiré par cette femme magnifique. Le regard médusé, la femme lui dit « Tu dois absolument partir ». Le jeune homme, se souvenant de ses frères, il ne s'échappe pas, il s'enfuit. Il retraverse le massif forestier, il redescend la paroi de pierre, et puis il retraverse les montagnes, les vallées, les plaines, jusqu'à arriver à la maison de ses parents, qui ne l'attendaient plus. Alors il se congratule, il se serre très fortement dans les bras. Ils sont heureux de se retrouver. Et voici que le garçon construit une maison de pierre, choisit les arbres, se construit des tambours, tend les peaux, et quand tout était prêt, les chansons et les danses, alors il allumait un grand brasier de feu. Et des invités sont venus un peu de partout, habillés avec des peaux de bêtes, avec des pelages de renard, avec des peaux d'ours, avec des peaux de morse, avec des peaux de phoque. Et le jeune homme a chanté, dansé, joué de la musique toute la nuit. Au petit matin, les convives ont remercié fortement et chaleureusement le père, la mère et le fils. Et voici que nos invités partent et s'éloignent. Et la petite famille, voilà quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Au fur et à mesure que leurs invités s'éloignaient, les peaux de bêtes avec lesquelles ils étaient vêtus glissaient de leurs épaules et se fondaient dans la terre. Car là était la dernière leçon de la femme aigle. Quand la musique est belle, que le tambour bat juste, que la danse est harmonieuse, elles ont le pouvoir et la puissance de transformer les bêtes sauvages en êtres humains véritables. C'était le dernier épisode de notre série Contes autochtones. Un grand merci à Marc Galliot pour son temps, son énergie et son soutien sans faille à Survival International, et aussi à tous ceux qui ont écouté et partagé ces contes. Nous espérons qu'ils vous ont plu. Pour en savoir plus sur les peuples autochtones, rendez-vous sur www.survivalinternational.fr. Pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité.